Vous écoutez France Culture. Aujourd'hui, un sujet d'archéologie exotique, le Salon Noir. L'Europe les connaît depuis 1591 via un manuscrit latin issu du voyage d'un jésuite, Ignacio Morera. Parce qu'André Leroy-Gourhan les visita dans les années 30, les préhistoriens évoquent parfois leur culture. Toutefois, bien des choses curieuses courent encore à leurs propos. Population relictuelle, aborigène du Japon septentrional, blanc ou asiatique, descendant direct de la préhistoire la plus lointaine, le Salon Noir se penche aujourd'hui sur la société Aïnou, ses origines, son devenir. Parce qu'il est capital de donner la parole à de jeunes chercheurs, le Salon Noir avait récemment invité un tout jeune docteur travaillant sur la préhistoire de la hyène. Aujourd'hui, il sera plus probablement question d'ours ou de plume d'aigle avec Noémie Godefroy, bonjour. Bonjour. Membre du centre japonais de l'INALCO, Langzhou. Noémie Godefroy, vous venez de soutenir devant un parterre de professeurs japonisants votre thèse intitulée « Autour de l'île des eaux, évolution des rapports de domination septentrionale et des relations avec les étrangers au Japon, des origines au XIXe siècle ». Les titres de thèse sont toujours très évocateurs de cet exercice de style. Quoi qu'il en soit, ma première question sera simple. Comment s'est passée cette soutenance? Alors c'est souvent la question à ne pas poser, mais je pense que ça s'est bien passé, parce que sinon je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. On a l'impression que tout se joue le jour J, donc le jour de la soutenance, mais on se rend vite compte que c'est plutôt les années de dur labeur qui comptent dans ce cas-là. Et je pense que dans mon cas, ça a été peut-être un petit peu trop d'années de dur labeur. En tout cas, cela prouve qu'en France, on a aussi des rituels, qu'on a des rituels en Occident, et il n'y en a pas qu'en Asie, c'est bien ça? Ah, tout à fait. L'exercice de la thèse, c'est un rituel, il faut passer par là, mais ce n'est pas forcément facile. Docteur Godefroy, plantons le cadre. Quel aire géographique couvre aujourd'hui la culture Aïnou? Alors la sphère culturelle Aïnou couvre un vaste territoire, alors qui va du nord de Hokkaido, le long de l'archipel des Kouriles et jusqu'à l'extrême sud du Kamchatka, et sur son versant occidental couvre l'île de Sakhalin et s'étendait jusqu'à l'embouchure du fleuve Amour, donc entre le Japon et la Russie. Donc Hokkaido, c'est tout à fait le nord, le septentrion devrais-je dire, voilà, de ce Japon? C'est l'île tout au nord du Japon. Je dis à mes étudiants qu'elle ressemble à un cerf-volant, voilà, pour ceux qui connaissent. Et nous voici entre Japon et Russie, des zones de revendication qui font régulièrement l'actualité. On est dans une sorte de frontière qui n'en est pas une, du moins culturellement. Alors tout à fait, on entend parler de cette zone relativement fréquemment. Il y a de temps en temps des échauffourées entre bateaux de pêcheurs japonais et marine russe. Il faut dire que c'est une région qui est très importante du fait de la prospection gazière et également vis-à-vis de la ZEE, donc la zone économique maritime. Et c'est des tensions qui existent depuis à peu près la fin du XVIIIe siècle. Et les Aïnous, au gré des différents traités qui ont pu être signés entre le Japon et la Russie à partir de 1855, ont du coup été un petit peu les victimes de ces allers-retours entre Japon et Russie, en particulier les Kouriles et Sakhalin. Voilà, il y a des revendications entre Russes et Japonais sur ces îles encore, je crois. Tout à fait, il y a des groupes au Japon qui revendiquent une appartenance japonaise dans les Kouriles méridionales, donc que désignent comme étant les territoires du Nord. Et c'est ce qu'il désigne comme étant les territoires du Nord, ce sont les îles d'Iturup, de Chicotan, de Kunashir et des Habomai. Donc il y a encore des groupes qui revendiquent une appartenance japonaise sur ces territoires. Et Hokkaido est devenu japonais officiellement à quel moment ? Alors, officiellement en 1869, c'est justement le moment où Ezo, l'île des eaux du titre de ma thèse, a cessé de s'appeler Ezo pour s'appeler Hokkaido, le circuit des mers du Nord. Donc c'est très récent. C'est très récent et ce n'est pas quelque chose qui est très connu des gens qui s'intéressent au Japon. C'est très récent, oui. Le fait d'être justement à cheval sur une telle frontière, n'est-ce pas d'ailleurs pour partie, je dis bien pour partie, un des problèmes des Aïnous ? Alors ça a certainement joué dans la rapidité de leur assimilation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'île de Hokkaido a été intégrée au territoire japonais, c'était un endroit très stratégique, à la fois du fait de la présence russe et du fait des petites tensions qui pouvaient persister entre troupes pro-shogunales et troupes pro-impériales. Et donc, il a fallu tout de suite, très rapidement, assimiler les Aïnous pour en faire des sujets japonais et pour permettre qu'ils participent à l'effort de défrichage de ce nouveau territoire. Mais des Japonais de classe inférieure ? Des Japonais qui, en 1871, ont été intégrés au peuple ordinaire, officiellement, mais qui, à partir de 1887, ont été désignés comme des anciens indigènes. Les anciens indigènes de Hokkaido, donc des gens qui avaient un passé et qui avaient pas vraiment d'avenir à ce moment-là. Oui. Dans l'île de Hokkaido, combien sont-ils aujourd'hui ou du moins, combien revendiquent cette culture, leur culture ? Alors aujourd'hui, d'après un sondage de 2006 qui a été effectué, mais uniquement à Hokkaido, il y aurait environ 23 800 personnes qui se disent Aïnous. Et un autre sondage effectué en 2010 dans la région de Tokyo faisait état de à peu près 400 personnes qui se disaient Aïnous. Alors le problème, c'est que à ce jour, il n'y a toujours pas eu de sondage d'ampleur nationale et que les chiffres, en particulier pour les Aïnous vivant dans la région de Tokyo, sont assez fluctuants. On a eu un sondage qui a fait état d'à peu près 2500 personnes qui se disaient Aïnous en 1989. Et après, les chiffres plongent pour des raisons qu'on ne connaît pas. Pourquoi il n'y a pas de recensement ? C'est le pouvoir politique japonais qui ne tient pas donc trop à susciter quelque idée ? Je pense que ça doit certainement être une des raisons. Après, je sais que l'association des Aïnous de Hokkaido, une de leurs revendications actuelles, est d'effectuer un sondage d'ampleur nationale, d'autant plus que comme la population Aïnou a été reconnue population autochtone du Japon en 2008, peut-être que ça a pu débloquer certains complexes qui existent parmi des gens qui savent qu'ils ont des ancêtres Aïnou, mais qui n'osent pas forcément encore peut-être le dire. Et puis, bien sûr, il y a le problème du métissage. Il y a évidemment le problème du métissage. On se reconnaît ou on ne se reconnaît pas. Exactement. Et il y a un nombre, je pense, non négligeable de personnes qui peut-être ignorent qu'ils ont des ancêtres Aïnous. C'est le cas, par exemple, d'un chanteur et d'un joueur de tonkoli Aïnou qui s'appelle Oki, qui a un groupe qui s'appelle le Aïnou Dub Band, qui jusqu'à ses 20 ans ou 30 ans, je pense, ignorait qu'il avait des ancêtres Aïnou. Et sa mère lui aurait dit relativement sur le tard. Et après, il a embrassé la culture Aïnou. Donc on peut s'imaginer que d'autres, peut-être, comme Oki, ignorent qu'ils sont des ancêtres Aïnou aujourd'hui. Avant de voir l'origine de cette société, je vous propose de faire un peu d'anthropologie sociale, d'anthropologie culturelle. L'Aïnou traditionnel ou folklorique est barbu, porte des vêtements aux étranges motifs. Mais que peut-on dire sur sa société ? Alors moi, je m'attache plus particulièrement à la société des Aïnous de Hokkaido, parce qu'il y a des différences culturelles un petit peu avec les Aïnous des Kouriles et de Sakhaline. Alors les Aïnous de Hokkaido étaient une population de chasseurs, pêcheurs, cueilleurs qui pratiquaient une agriculture limitée et qui étaient aussi des intermédiaires commerciaux dans la région, donc entre les Japonais au sud et les Nivques, les Gilliaks sur Sakhaline et plus loin les Mandchous sur le continent. Alors, on pourrait définir la société Aïnou comme une société sans État, d'après ce que peut nous dire Pierre Clastre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une société qui a un pouvoir politique non coercitif. Alors là, c'est peut-être un peu des gros mots. Ce qu'on peut dire, c'est que les décisions étaient prises au niveau du village et de manière collégiale. C'est-à-dire que les têtes de famille allaient se réunir et décider de ce qu'il fallait faire pour le bien-être du village. Mais il n'y avait pas vraiment d'entité politique Aïnou. On n'est même pas dans le stade de la chefferie. On est peut-être dans le clan, alors, dans ces cas-là ? Alors, il y avait, un chef de village, celui qui possédait le plus de trésors, donc celui qui avait le plus de rapports commerciaux avec les Japonais. Donc, il y a quand même quelqu'un qui a le dernier mot. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fallait aussi, pour être chef, avoir une capacité de parole et être un bon orateur. Ça, c'était quelque chose de très important, parce que de temps en temps, quand il y avait des problèmes au niveau de la géographie des terrains de chasse entre différents villages Aïnous, le représentant du village, donc le chef, devait pouvoir tenir des jours entiers sans manger et discuter avec son interface du village d'à côté pour essayer de régler le problème. Donc c'était quand même assez important. On est dans une sorte de société patriarcale, polygame, c'est bien ça ? Alors polygame pour ceux qui le pouvaient, c'est-à-dire ceux qui possédaient de nombreux trésors et qui pouvaient se permettre donc d'avoir dans leur foyer plusieurs femmes et donc beaucoup d'enfants qui n'étaient pas forcément très productifs quand ils étaient petits. Et leur société est de type animiste. Voilà, tout à fait. Ils vivaient donc à Hokkaido, qui est, quand on y va encore aujourd'hui, une nature splendide. Et ils considéraient que les kamui, donc les divinités, quand ils ne vivaient pas au pays des dieux, venaient faire des petits tours sur Terre et habitaient des réceptacles qui étaient la faune, la flore et certains phénomènes climatiques. Et donc, ces kamui venaient se balader dans le monde des hommes, qu'ils appelaient Ainu Moshir. Et quand ils étaient soit récoltés dans le cas de flore, soit tués dans le cas d'animaux, il fallait procéder à une cérémonie de renvoi pour que l'âme du dieu soit content de son séjour sur Terre et revienne voir les Ainu. Et c'est là où on parle de l'ours, cet ours qui est si important dans cette société. Tout à fait, c'est peut-être une des choses les plus connues concernant la culture Aïnou, la cérémonie de renvoi de l'âme de la divinité de l'ours, qui s'appelle Iomante, et qui était vraiment le seul moment véritablement où beaucoup de villages Aïnou pouvaient se retrouver. Et il y avait plusieurs jours de fêtes, des libations, et un ours qui avait été élevé par une famille Aïnou était sacrifié. Et l'important, c'était que l'ours ait passé un bon moment, qu'il ait vu des belles danses, qu'il ait vu des beaux chants et qu'il ait envie de revenir dans ce village pour pouvoir voir la suite. Il y avait même des contes qu'on laissait, dont on ne racontait pas la fin, pour que la divinité ait envie de revenir pour entendre la fin du conte. Donc ce sont aussi, entre guillemets, des éleveurs et ils élèvent des petits ours. Voilà, chaque famille, encore une fois, qui pouvait se le permettre, parce qu'il faut nourrir un petit ourson. Je ne m'y connais pas, mais je pense que ça mange quand même un petit peu. Les familles qui pouvaient se le permettre élevaient donc un petit ourson dans le but d'organiser cette cérémonie d'Iomante. Et les femmes Aïnou allaitaient les oursons. Alors, ça, c'est du moins d'après les Japonais. Ouais, c'est invérifiable, mais il est vrai que sur de nombreuses représentations, alors assez anciennes, là, on parle plutôt 17e, 18e siècle, on voit des femmes Aïnou qui allaitent des oursons. Mais c'est difficilement vérifiable. L'étude des Aïnou semble très tardive. Elle commence au tournant de l'ère Meiji. On va dire que c'est à peu près le 19e siècle. C'est le temps de missionnaires, notamment d'un grand chercheur, John Bachelor. Voilà, tout à fait. Il y a eu deux courants de recherche sur les Aïnou. Un courant plutôt donc occidental qui a été effectué par des missionnaires qui sont allés sur place à l'ouverture du Japon, mais aussi par des voyageurs. Il y a Isabella Bard, par exemple, qui a écrit sur les Aïnou. Et du côté japonais, c'est d'abord des folkloristes et des linguistes qui se sont intéressés aux Aïnou avant que ceux-ci fassent l'objet de débats d'ordre plus anthropologique et raciaux. Et l'incontestable spécialiste est sans doute Takakura, qui d'ailleurs prenait, lui, l'assimilation des Aïnou au monde japonais. Alors Takakura Shinichiro, tout à fait, qu'on considère comme le père des études Aïnou, lui fait partie d'une seconde vague de chercheurs, c'est-à-dire plutôt dans les années 30, à l'époque où le Japon était en pleine expansion impériale et que l'objet d'étude était devenu les mesures d'assimilation vis-à-vis des Aïnous, dans l'optique d'assimiler les autres populations sous joug impérial japonais. Quelle sera la vision de deux anthropologues suisses et français, Georges Montandon et André Leroy-Gourhan, qui ont eu la chance de visiter donc cette société dans les années 1919 et 1937, d'après mes souvenirs? Tout à fait. Georges Montandon avait été mandaté par la Croix-Rouge internationale, me semble-t-il, pour aller récupérer des prisonniers autrichiens en Sibérie après la Première Guerre mondiale. Et il en a donc profité pour étudier les Aïnous de Sakhaline. Et il en a déduit, après ses recherches, que c'était des proto-europoïdes. Donc des lointains cousins de nos lointains ancêtres. Leroy-Gourhan, deux mots peut-être sur ce grand préhistorien. Leroy-Gourhan fait un voyage au Japon avec sa femme Arlette en 1939 et visite Hokkaido à cette occasion. Ils prennent beaucoup, beaucoup de photos, énormément de notes, mais apparemment à leur retour en France, malheureusement, la guerre éclate. Et après, il y a une interdiction de publication sur le Japon. Et donc, ils ne peuvent malheureusement pas publier tout de suite ces notes qui sont parvenues jusqu'à nous en 1989 seulement. Les chants épiques sont une des caractéristiques, un élément identitaire des Aïnous. Je vous propose d'en écouter un fragment. Naomi Godefroy, un commentaire sur ce bref morceau de musique très exotique, bien sûr. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'un chant traditionnel Aïnou, là, mais d'une guimbarde Aïnou qui s'appelle le Mukuli et qui fait partie des instruments traditionnels Aïnou. Et le but de la musique au Mukuli était d'essayer de retranscrire musicalement la nature qui entourait les Aïnou. Donc c'est tout un programme. Pour les éditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle, Naomi Godefroy, que vous venez de soutenir votre thèse sur l'histoire des Aïnous, ce peuple septentrional du Japon. Voyons les origines de ces Aïnous. La préhistoire japonaise est dominée par une période que l'on dénomme la culture Jomon, une longue période où des groupes de chasseurs-pêcheurs sédentaires possèdent déjà la poterie. L'île de Hokkaido est-elle déjà intégrée à cette culture Jomon? Alors, l'île de Hokkaido est tout à fait intégrée à la culture Jomon. En fait, la première rupture culturelle, si on peut parler ainsi, aura lieu quand la culture Yayoi, donc cette vague de population qui arrive autour de moins 300 au Japon, va introduire la riziculture en particulier, et donc s'étendre sur l'île principale de Honshu. Mais l'extrême nord de cette île et la Hokkaido gardent une espèce de culture métissée qu'on appelle Zoku Jomon, donc Jomon prolongé, avec, sans riziculture inondée, mais avec toujours des types de poterie. Donc les populations Aïnou peuvent-elles être les descendantes de ces populations préhistoriques Jomon, très très anciennes, juste après le paléolithique? Alors les origines du peuplement Aïnou ont fait l'objet de très très nombreux débats. Justement, il était question pendant très longtemps d'une alternance, c'est-à-dire que la vague Yayoi étant arrivée au Japon, apportant avec elle la civilisation, auraient été les ancêtres des Japonais d'aujourd'hui, mais que la population Jomon, donc supplantée, repoussée vers le nord, aurait été les ancêtres des Aïnous. Or, on sait aujourd'hui que la réalité est beaucoup plus complexe. Que nous dit la génétique? Alors, il y a C'est un bel élément maintenant, nouveau. Alors, en 1991, Hanihara Kazuro a mis en place un système qui est un système de structure duale, c'est-à-dire que l'ensemble des habitants de l'archipel japonais seraient issus de métissage entre cette population yayoi et la population de Jomon, mais à des niveaux un petit peu différents. C'est-à-dire que les habitants des marges septentrionales et méridionales auraient été moins métissés et après les Japonais du centre, si on veut, auraient été métissés à différents degrés. Alors j'ai lu aussi que la génétique tendrait à montrer que les îles Andaman, qui sont entre l'Inde et la péninsule malaise, avaient des caractères génétiques à peu près, ou du moins assez proches, des populations Aïnou. Faisons un bond, bien sûr, dans le temps, vers le 8e siècle. L'île de Kaido possède deux cultures. La première semble encore très séparée du Japon et possède notamment des habitations très particulières. Alors là, il s'agirait certainement de la structure Satsuman, qui est caractérisée toujours par des échanges avec les voisins méridionaux, par un type de poterie particulière. Et il y aurait dans le nord de Hokkaido une culture qui, elle, serait venue du continent, donc qui se serait étendue vers le sud, la culture d'Okotsk, qui se rencontre et qui donc s'influence mutuellement. Alors je crois qu'il y a une très belle fouille sur un amas coquillier, ces habitats côtiers où l'on mange beaucoup de coquillages et qui appartient à peu près à cette période. On y a découvert des choses très intéressantes dedans. Voilà, tout à fait. Il semblerait qu'un des vestiges les plus importants de la culture d'Okotsk qui reste présent à Hokkaido, dans le nord de Hokkaido, soit l'amas coquillier de Moyoro, près de la ville d'Abashiri. Et que donc, comme pour les amas coquillés du reste du Japon, on y découvre énormément de choses. Parce que du fait de l'acidité des sols au Japon, c'est très difficile de trouver des restes, des squelettes. Mais le calcaire des amas coquillés a permis de retrouver des squelettes un petit peu plus parlants. Et notamment des miroirs chinois d'époque Song. Tout à fait. Ce qui prouve les liens donc, commerciaux. Les liens commerciaux, et ce très très tôt. Très, très tôt, ouais. Peut-on voir dans cette société une proto-société Aïnou, c'est-à-dire annonçant le début de la société Aïnou? Alors tout à fait, la société Aïnou qui émerge un petit peu plus tard a pris des éléments culturels de la culture Satsuman et de cette culture d'Okotsk. On pense en particulier que justement le culte de l'ours viendrait plutôt donc de la partie Okotsk, mais que la culture Satsuman, très influencée par la culture japonaise, aurait permis des échanges linguistiques. Il y a des mots Aïnou, un nombre assez significatif de mots Aïnou qui viendraient du japonais, dont le mot pour Dieu d'ailleurs. À quel moment voit-on réellement l'émergence de cette société Aïnou? Alors vers le 12e, 13e siècle, au moment où apparaît une altérité très très forte continentale, en la personne des Mongols, qui se rendent sur Sakhalin et repoussent les populations autochtones. Les Aïnou, donc maintenant on peut parler de Aïnou, se rebellent et vont se battre contre les Mongols à Sakhalin. C'est-à-dire que cette unité naît de par le phénomène de résistance contre l'implantation mongole dans les îles Sakhalin. Tout à fait, tout à fait. Parlons deux mots. Il y a des fouilles archéologiques sur cette période Aïnou. Est-ce que l'on fouille? Est-ce que les Japonais s'intéressent, Japonais de la grande île, s'intéressent à ce genre de choses? Alors, les principales fouilles archéologiques ont eu lieu alors, plutôt à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Alors, bien sûr, il y a encore des fouilles aujourd'hui, mais les fouilles qui ont eu le plus de... comment dire, d'écho au Japon, ont eu lieu à ce moment-là parce qu'il était important de trouver les origines du peuple japonais et donc les origines du peuple Aïnou. Et forcément, il fallait définir qui étaient les préhistoriques et qui étaient les civilisés. En tout cas, à quel moment peut-on penser que les Aïnou ont été intégrés au monde japonais? Alors, du fait des relations commerciales, il faisait partie de la sphère japonaise assez tôt. Mais l'implantation japonaise dans le sud de Hokkaido date à peu près du XIIIe siècle. Donc, on peut vraiment imaginer qu'il y a eu des rapports beaucoup plus intenses à partir de ce moment-là. Et on peut parler de réelle ségrégation? Alors, pendant toute la période donc, qui a suivi le XIIIe siècle et jusqu'à Meiji, les Aïnou ont été dissimulés, c'est-à-dire qu'on les représentait comme justement des barbares poilus qui buvaient du sang, qui vivaient comme des animaux, qui allaitaient des oursons. On mettait beaucoup en exergue tout ce qui était qui marquait la différence de civilisation entre les Japonais et les Aïnou. Entre autres, les tatouages autour de la bouche des femmes étaient un des sujets favoris. Jusque dans les années 1945, les recherches portent sur un peuple dit inférieur, en voie d'extinction, Orobiyoku Minzoku, c'est bien ça ? Tout à fait. L'accent ne doit pas y être. Très bon accent, si, si. Donc, un peuple inférieur ? Alors, à l'arrivée de Meiji, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était important d'assimiler les Aïnous. Et dans le but de construction de l'État-nation de Meiji, il était important que la population japonaise soit perçue par le reste du monde comme une population homogène, qui était unie derrière l'empereur. Et donc, de fait, les Aïnous ont disparu du discours dominant et ont disparu... Donc d'après de nombreux chercheurs à l'époque. À vous lire à lire votre thèse, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de dénominations qui évoluaient donc à propos de ces Aïnous. Oui, tout à fait. Aïnou, c'est un terme relativement récent. C'est au tout début du 19e siècle qu'un explorateur s'en sert pour la première fois, se rendant compte qu'eux-mêmes s'appellent les Aïnous. Avant, ils étaient appelés les Ezo, par exemple, qui rappelaient leur côté barbare. Le Japon, c'est bien entendu une puissance coloniale extra-occidentale. C'est aussi, semble-t-il, une nation qui lutte contre la diversité culturelle au sein du pays, ou du moins qui luttait. Alors, il est vrai que pendant très longtemps, justement, ce discours dominant d'homogénéité de la population japonaise était le discours officiel. On parle souvent des hommes politiques japonais qui, dans les années 1980, niaient l'existence de minorités au sein de la population japonaise. Alors, ça Dieu merci, évolué depuis, en particulier par le combat d'associations de Aïnou à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et avant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 1937, c'est la fermeture de la dernière école spéciale pour les Aïnous ? Tout à fait. Comme les Aïnous étaient un peuple en voie de disparition et qu'ils étaient désormais assimilés, il n'y avait plus véritablement besoin d'écoles particulières pour les indigènes. Et en effet, en 1937, l'appellation ancien indigène ne perdure que dans le titre de la loi de protection. Il disparaît. On peut dire que les Aïnous sont passés par une sorte de racialisation et d'assimilation avant que leur disparition soit plus ou moins programmée. Tout à fait. Donc, suite à la dissimulation qui a eu lieu jusqu'à Meiji, il fallait les assimiler. Et une fois qu'ils ont été assimilés, ils ont donc disparu en tant que tels. Le combat politique des Aïnous aujourd'hui, c'est quoi exactement ? Alors, le combat politique des Aïnous aujourd'hui est relativement, j'ai envie de dire, ancien, déjà, parce que c'est plutôt dans les années 70 et les années 80 qu'il s'est mis en marche. Avant, il n'y avait rien. Avant, donc, comme les Aïnous avaient, entre guillemets, disparu, il y avait des associations de Aïnous, mais qui étaient sous l'égide du gouvernement de Hokkaido. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de mouvement Aïnou véritablement autonome. Et ce n'est qu'en 1946, avec la mise en place de l'association des Aïnous de Hokkaido, que les Aïnous ont véritablement eu une voix autonome, indépendante, qui n'était pas sous l'égide gouvernementale. Le combat politique des Aïnous est passé par leur indigénisation, pourrait-on dire. C'est un mot absolument imprononçable. Tout à fait. Ça a été un outil pour eux. Alors, il se trouve que dans les années 70, on a un jeune Aïnou, enfin, il était jeune à l'époque, Kayano Shigeru, qui a commencé à s'intéresser à la culture Aïnou et à vouloir ouvrir des musées, mais des musées Aïnou, c'est-à-dire pas des musées qui cherchaient à attirer les touristes et attirer les chalands, mais véritablement pour montrer la culture que lui-même avait connue chez sa grand-mère et avec ses parents. Et de culturel, son combat est devenu législatif et après donc indigène, dans le sens où ils sont passés par des forums internationaux, des associations comme les Nations Unies, pour être reconnus à l'intérieur du Japon comme une minorité et un peuple autochtone. Avec un fameux discours en Aïnou à la Diète japonaise, c'est bien oui, ça ? Oui, en 1994, il a été élu à la Diète. C'est le premier, pour l'instant le seul représentant Aïnou à la Diète. Et il s'est adressé à ses collègues en langue Aïnou. On peut retrouver le discours sur Internet. Bon, je ne parle pas Aïnou, mais... Il cherchait à dire que la langue Aïnou méritait, comme la langue japonaise, d'être considérée comme une langue du Japon. En tout cas, en 2008, la Diète reconnaît les Aïnous comme peuple autochtone. Tout à fait, oui. Une vraie victoire ? Alors, je pense que c'est une vraie victoire. Il faudrait demander à quelqu'un d'Ainu pour avoir une réponse plus, comment dire, plus légitime. Mais je pense que c'est déjà un premier pas. En tout cas, ils ont eu un passé. Pensez-vous qu'ils ont un avenir, ces Ainu ? Je suis sûre qu'ils ont un avenir. Je pense que ce qui s'est passé en 2008 va quand même décomplexer peut-être certaines personnes. Et il existe des groupes de musique pop Ainu qui continuent à faire connaître la culture. Naomi Godefroy, merci beaucoup. La semaine prochaine, Laurent Bruxelles de l'INRAP évoquera l'histoire du petit Australopithèque Littlefoot. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Yanis Djoudad, attaché d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr, ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr. Mais dans quelques instants, pas la peine de crier.